C'est auprès de toi que je me sens bien, ô Jésus. Seul dans ta présence, les genoux fléchis devant toi. C'est auprès de toi que je me sens bien, ô Jésus. Seul dans ta présence, les genoux fléchis devant toi. Devant